Bon matin tout le monde, Danny Veilleux et le bulletin de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport en parlant d'abord des Sabres de Roberval qui ont remporté une belle victoire de 5 à 2 sur la formation des Aiglons d'Allemagne en levée de rideau du tournoi Midget Mario Tremblay qui se déroule au centre sportif d'Allemagne, au centre sportif Mario Tremblay, également à Métabetchouane et à Saint-Bruno. Donc, dans le match, à noter que Jesse Saint-Pierre, Bradley Matawa, Alexandre Laroche, Tommy Villeneuve et Samuel Berube ont marqué les buts des Sabres. Donc, les Sabres qui vont jouer ce soir dans le deuxième match, ils vont jouer à Métabetchouane. Dans le junior A, maintenant, le programme de Saint-Félicien s'est incliné 3-0 sur les Saguenayens de Chicoutimi. Maintenant, hier, dans la section entrevue de dernièresports.com, on a parlé avec Nicolas Roy, des Saguenayens de Chicoutimi. Nicolas Roy qui s'est vu octroyer une chance de participer au Canada, d'évaluation d'équipe Canada pour le tournoi qui aura lieu dans le temps des fêtes à Montréal et à Toronto. Et Nicolas Roy a mentionné, évidemment, qu'il est très heureux de sa sélection. Je suis super content, je me suis entraîné fort pour ça cet été, puis c'est un objectif que je voulais faire partie de ce camp-là, mais là, mon principal objectif, c'est vraiment de faire partie de l'équipe, puis ensuite de d'aider l'équipe à gagner. Fait que c'est sûr que je vais arriver prêt au Canada, puis je veux vraiment avoir un poste avec l'équipe. Et selon Nicolas Roy, il ne sait pas encore le rôle que Dominique Duchamp va y octroyer si jamais il fait l'équipe. Ben honnêtement, je ne sais pas vraiment. Tu sais, j'ai pas. Okay. C'est le premier objectif, c'est de faire l'équipe, puis rendu là, tu sais, je vais parler. Si je fais l'équipe, ça va être plus le coach qui va décider quel rôle qui me verrait plus. Et je pense que je suis capable de justement d'être bon défensivement puis jouer à des avantages numériques, mais je suis aussi capable d'exceller offensivement puis de jouer sur le power play. Fait que c'est plus le coach qui déciderait comment que. Et Nicolas Roy connaît une excellente saison avec les Saguenayens de Chicoutimi. Selon lui, ben, ils ont tous les éléments pour être au moins dans le carré d'as. Oui, on a une équipe, on a des excellents défenseurs, on a des gars en offensive qui sont capables de jouer. On a des lignes défensives, puis on a des lignes un petit peu plus offensives, puis on a deux des meilleurs gardiens de la ligue. Fait que je pense que c'est un tout, puis on est complet partout. Là. OK. Bonne nouvelle pour Stéphanie Lalancette de Saint-Félicien. Elle a reçu une bourse d'études mercredi dernier dans le cadre du Gala Sport Universitaire de la Fondation de l'Excellence du Québec. Stéphanie Lalancette, qui est maintenant joueuse d'hockey qui joue pour l'Université de Concordia, a reçu une bourse d'études de 8 000 à partir de 2 ans, dont 5 000 la première année. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Nicolas Roy des Saguenayens de Chicoutimi. Je me suis aussi entretenu hier avec Jason Lajeunesse des Sabres de Roberval. Et vous pouvez également écouter la chronique de Pascal Jobin de la NBA et Francis Millien et Benoît Lavoie. On a fait une table ronde où, évidemment, on fait le bilan de l'année chez l'Impact de Montréal. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.